La Bible David Martin 1855. Épître de saint Paul aux Galates. Galates chapitre 1. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni de la part d'aucun homme, mais de la part de Jésus-Christ, et de la part de Dieu le Père, qu'il a ressuscité des morts. Et tous les frères qui sont avec moi, aux églises de Galatie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père, et de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin que, selon la volonté de Dieu, notre Père, il nous retira du présent siècle mauvais. À lui soit gloire au siècle des siècles. Amen. Je m'étonne qu'abandonnant Jésus-Christ, qui vous avait appelé par sa grâce, vous ayez passé si promptement à un autre évangile. Qui n'est pas un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent, et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes vous évangéliserions, ou quand un ange du ciel vous évangéliserait outre ce que nous vous avons évangélisé, qu'il soit anathème. Comme nous l'avons déjà dit, je le dis encore maintenant, si quelqu'un vous évangélise outre chose que vous avez reçue, qu'il soit anathème. Car maintenant prêchez-je les hommes, ou Dieu? Ou cherchez-je à complaire aux hommes? Certes, si je complaisais encore aux hommes, je ne serais pas le serviteur de Christ. Or, mes frères, je vous déclare que l'évangile que j'ai annoncé, n'est point selon l'homme. Parce que je ne l'ai point reçu ni appris d'aucun homme, mais par la révélation de Jésus-Christ. Car vous avez appris quelle a été autrefois ma conduite dans le judaïsme, et comment je persécutais à outrance l'Église de Dieu, et la ravageais. Et j'avançais dans le judaïsme plus que plusieurs de mon âge dans ma nation, étant le plus ardent zélateur des traditions de mes pères. Mais quand ça a été le bon plaisir de Dieu, qui m'avait choisi dès le ventre de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler son Fils en moi, afin que je l'annonçasse parmi les gentils, je ne commençais pas d'abord par prendre conseil de la chair et du sang, et je ne retournais point à Jérusalem vers ceux qui avaient été apôtres avant moi, mais je m'en allais en Arabie, et je repassais à Damas. Puis je retournai 3 ans après à Jérusalem pour visiter Pierre, et je demeurai chez lui 15 jours. Et je ne vis aucun des autres apôtres, sinon Jacques, le frère du Seigneur. Or, dans les choses que je vous écris, voici, je vous dis devant Dieu, que je ne mens point. J'allais ensuite dans les pays de Syrie et de Cilicie. Or j'étais inconnu de visage aux églises de Judée qui étaient en Christ. Mais elle avait seulement ouï dire, celui qui autrefois nous persécutait, annonce maintenant la foi qu'il détruisait autrefois. Et elle glorifiait Dieu à cause de moi.